Le cinéma Taedongmun à Pyongyang a abrité le 7 courant, la séance de films coréens consacrée à la journée de la brillante étoile. Y ont été invités les représentants des institutions internationales et diplomatiques, ainsi que leurs collaborateurs. Y ont participé du côté coréen les cadres intéressés et les cinéastes. On y a projeté le documentaire coréen « Pyongyang en pleine prospérité ».